Amis chasseurs, vous êtes prêts pour votre sport favori? Le magasin Ferlac de Dolbeau-Mistassini a tout ce qu'il faut pour une recette gagnante. La pierre de sel, 9,99 le 20 kg ou 8,99 à l'achat de 3. Le sel de chasse de marque ProParc, 7,99 le 20 kg ou 3 sacs pour 17,99. Le magasin Ferlac, 727 boulevard Vézina, 418-276-3918. Toute l'équipe du magasin Ferlac souhaite à tous les chasseurs la meilleure saison de chasse possible. On va parler de patinage de vitesse sur contre-piste. En fin de semaine, c'était la première tranche de la Coupe du monde de patinage de vitesse. On en parle avec notre spécialiste François-Olivier Roberge. Ça n'a pas été nécessairement concluant la première fin de semaine. Salut François! Allô! François, une fin de semaine en, bon, on va dire, cliché, là, en dedans de scie, certains très bons résultats, dont les relais, puis certains résultats individuels moins bons. On va dire que c'est le début de saison, puis on a encore le temps, là, mais c'est sûr qu'il y en a certains qui n'ont pas fait les performances qu'ils espéraient. OK. D'abord, on va y aller avec Marianne Saint-Gelais, quatrième position. Oui, Marianne elle faisait juste le 500 mètres ouais. Parce que bon, elle voulait se remettre un peu dans le bain des compétitions parce que sa dernière vraie compé, ça datait de l'année dernière à la fin de la saison. Là. Donc, elle a fait le 500, elle a fini quatrième de la finale, donc juste à court de la médaille. Donc, on s'entend que c'est super bon. Elle aurait pu faire mieux, mais ce qu'elle dit, elle, c'est que bon, elle a travaillé quelques trucs puis que ça va être bénéfique pour le futur, puis j'en doute pas là. Mais bon, quatrième, c'est quand même un très bon départ là, pour une première finale comme ça depuis longtemps. OK. Cassandra Bredette, faut dire qu'elle avait été éliminée, elle, au 1500 mètres, hein, parce qu'elle avait tombé. Oui, Cass au 1500 puis au 1000 éliminé dans les qualifs. Donc les qualifs étaient jeudi et vendredi. Là, c'est le format des Coupes du Monde pour cette semaine. Donc elle n'a pas fait les rondes de finale samedi et dimanche. Je sais que jeudi quand elle était tombée, il y avait un problème. Elle s'était fait couper un de ses patins. Là. Je pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là parce que par la suite, elle a fait la finale du relais. Donc je lui ai pas parlé, mais je pense que ça doit être réglé de ce bord-là. Donc, c'est sur le plan de ses courses individuelles. Elle va être l'une de celles là, qui va vraiment chercher à se rattraper puis à avoir une meilleure fin de semaine à la prochaine Coupe du Monde. OK. Si on l'a mis avec Kim Boutin, qui a été la grande vedette de la fin de semaine. Du côté des filles. Elle a vraiment été super bonne. Médaille au 1000 d'argent, médaille au 1500 d'argent. Vraiment solide, puis j'ai trouvé ça intéressant parce qu'elle parlait de sa finale, je crois, au 1000, où elle était avec, c'était au 1000, elle était avec une Coréenne à la fin, puis avec l'Anglaise Liz Christie, puis pendant la course, elle a eu une petite pensée, là, difficile à contrôler, mais une petite pensée de je vais essayer de battre Christie, mais peut-être que je vais laisser aller la Coréenne pour finalement se rendre compte qu'elle était du calibre de la Coréenne. Fait que je crois, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, Kim, va être un gros déclic en fin de semaine, là, parce que bon, elle a gagné les sélections olympiques là, haut la main, mais Marianne n'était pas là. Donc, toujours un petit doute de je vaux à côté des meilleurs au monde. Puis là, elle vient de se prouver qu'elle est vraiment parmi les meilleurs au monde, ce n'est pas l'une des meilleures. Puis, elle va continuer à s'améliorer parce que sa confiance doit être dans le tapis en ce moment. Là. C'est impressionnant pour Kim, puis c'est bon pour toute l'équipe aussi, que ce soit pas seulement Marianne qui chez les femmes qui monte sur le podium. OK. Si on y allait maintenant avec le relais. Le relais, historiquement, ben, au cours des derniers temps, c'était pas super, mais là, le résultat est encourageant pour la fin de semaine. Ouais, on dirait qu'il y en a qui parlaient un peu de malchance, surtout du côté masculin, là, la malchance du relais masculin, parce que les gars ont tous les éléments pour réussir, puis on dirait qu'il se passait toujours quelque chose. Leur dernière médaille d'or, c'était en novembre 2015, hein, donc ça fait déjà 2 ans. Puis là, tout s'est aligné, puis au-delà de ça, ils l'ont eu, leur malchance, là, ils se sont fait accrocher, sont à mi-course, était loin derrière le Japon et la Chine. Puis on réussit à faire un relais exceptionnel pour revenir de l'avant, pour prendre la tête et pour finir en avant. Vous allez peut-être voir passer là, des courts clips où on voit Sam Girard qui étire le patin devant un Chinois pour remporter la victoire. Moi, je suis arrivé au bureau ce matin, puis c'est ce que mes collègues m'ont dit. As-tu écouté le relais? As-tu vu la remontée? Tu sais pas... pour notre sport, c'est un beau moment. Puis si on parlait d'un sport plus mainstream, là, disons, c'est sûr qu'on verrait ça partout. Là. C'était vraiment beau à voir comme finale, surtout pour aller remporter l'or comme ça. OK. Dis-moi, maintenant, si on y allait avec du côté des gars. Oui, ben du côté des gars, il y a Charles Cournoyer qui était bon. Il allait gagner la médaille de bronze au 1000. Il était vraiment rendu là. Il y avait deux gars avant lui, mais pas très loin. Mais dernier virage, on dirait que Charles, je sais pas si c'est juste les patins, je sais pas si il a peut-être vu la ligne d'arrivée un peu trop tôt, je sais pas, mais dernier virage, à la fin du virage, il est tombé. Finalement finir quatrième de cette course-là, donc il y avait vraiment la médaille là, presque accrochée au cou, puis il est donc vraiment sur le bord. Puis sinon il y a Sam Girard qui n'a pas été très chanceux dans les demi-finales. Il était peut-être pas toujours placé super bien, mais c'est pas une critique là, c'est une constatation que la malchance des fois ça ne tombe pas tout le temps dessus parfaitement là. Des fois il y a des endroits où on est un peu plus à risque. Mais il a quand même été bon en finale B, là, dont 1500 a remporté la finale B. Donc, tu sais, côté points, c'est vraiment pas une catastrophe pour Sam. Il est allé chercher des points. C'est juste qu'on l'attendait peut-être on l'attendait dans au moins une finale A. Mais bon, je vais être l'éternel positif là, pour dire que c'était la première des quatre Coupes du Monde. Puis on voyait qu'il y avait la vitesse, là, c'est aucun problème. Mais c'est un peu des petits obstacles là, qui va devoir surmonter. Là. OK. Donc, tout ce beau monde se retrouve en fin de semaine pour la deuxième Coupe du Monde? Oui, en Hollande. Puis là, justement, on parlait du relais masculin, mais les filles ont fait argent au relais aussi. Là, donc, pour les filles, c'est super bon. Marianne et Cass étaient dans le... et Val étaient dans la finale, si je ne me trompe pas. Je sais que Marianne, Cass, Val, je pense que oui aussi. Je sais que Marianne, Val en a fait un dans la gang. Là, mais donc, vraiment, une belle équipe aussi. Qui est assez forte justement pour que Kim fasse même pas la finale parce qu'elle avait beaucoup de courses dans les jambes, beaucoup de finales, donc Kim a même pas fait la finale, puis les filles ont remporté l'argent. Donc oui, ça c'est de bon augure. Puis un truc qui va être à surveiller aussi là, c'est la domination à outrance de la Corée du Sud là, qui a remporté 10 médailles. 18 en fin de semaine. OK. Ça, on peut dire que la Corée du Sud, ça devient de plus en plus une puissance. Hein? Ah, mais là, c'est parce que les Jeux sont chez eux, c'est leur sport. Ouais, je disais que les ventes de billets, je sais pas si c'est une information très, très, très sûre, mais les ventes de billets, elles n'étaient pas si bien pour les Olympiques. C'était mon prochain sujet. Je veux te parler de ce qui se passe actuellement. Ce matin, les parents... Je sais pas si tu as vu dans le journal de Montréal, les parents disaient qu'ils commencent à être inquiètes. Est-ce que ça commence à se parler du côté... Parce que moi, j'ai fait une entrevue il y a quelque temps avec les gens de la chaire Raoul Dandurand, puis écoute, on n'a comme pas le choix, mais est-ce que ça commence à se parler dans l'entourage que ces jeux-là pourraient être reportés, annulés, que des pays, pour une question de sécurité, décideraient de pas aller à Pyeongchang? Ouais, non, je pense pas. Je pense que pas du côté des fédés sportives, pas tant que ça, puis pas du côté, surtout pas du côté des athlètes. Okay. Si ça se parle, c'est du côté des comités olympiques de chaque pays. C'est plus haut, puis les athlètes, puis là je le dis pas péjorativement, là, j'ai été un athlète, puis ils sont bons les athlètes pour être des bons soldats, tu sais. Là, si en haut on dit qu'il n'y a pas de problème, on va au jeu, puis souciez-vous pas, ben les athlètes sont bons pour faire leur job, puis dans le cas du patin, patiner, puis s'entraîner au max, puis c'est pas un souci. Mais bon, plus que ça va approcher, peut-être que ça va. Plus pour les familles aussi. Moi, si j'étais eux, je sais pas, c'est le patineur, c'est le athlète, il va suivre ce que ses dirigeants lui disent, mais pour les familles, c'est vrai qu'il y a peut-être des questionnements à voir aussi de côté est-ce qu'on est bon ou non, mais ce qui est sûr, c'est que ça va être un bon show. Puis ce qui est sûr aussi, c'est que les familles qui doivent y aller, ça fait un bout qu'ils se préparent déjà, hein, parce que c'est pas si facile d'avoir des chambres, là, puis ça va être les prix vont monter rapidement quand ça va devenir de plus en plus proche de l'événement. OK. Ben, on se reparle vendredi. Oui, vendredi, c'est bon. Notre spécialiste de patinage de vitesse sur côte à piste, François-Olivier Robert.